Section 93 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Sonia. La lecture, tome 6e. Section 93. La princesse Lilith, par Jules Lemaître. Chapitre 1. Jésus étant né à Bethléem, au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. » Le roi Hérode, l'ayant appris, fut troublé, et, ayant assemblé les sacrificateurs et les scribes, il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Et ils lui dirent « C'est à Bethléem. » Alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages, s'enquit du temps où ils avaient vu l'étoile, et, les envoyant à Bethléem, il leur dit « Allez, informez-vous exactement de ce petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi l'adorer. » Mais après que les mages, conduits par l'étoile, eurent trouvé et adoré l'enfant, avertis par un songe de ne pas retourner vers Hérode, ils s'en allèrent dans leur pays par un autre chemin. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, fut fort en colère. Fin de la section 93.